toi qui sais me séduire. Personne mieux que toi ne sait me faire jouir de la vie dans ma chair et mon esprit. À cause de toi, l'amour a une voix. Je n'ai de la voix que pour chanter l'amour. L'amour ne me chante que si tu es là. Ça, jouirai avec toi de la vie. Ta voix me séduit, je jouis de t'entendre. Jouir à pleine bouche quand l'amour te touche. Je deviens si tendre qu'à te prendre. Ma voix prend ta voix, l'amour chante en moi.